Chapitre 26e. Horizon lointain. Monique Plantier avait entrepris ce voyage pour tenter de se changer les idées. Les deux premiers jours, elle avait pu sincèrement y croire. La Thaïlande était un pays magnifique et le groupe beaucoup mieux qu'attendu. Ce qu'elle n'avait pas prévu, en revanche, c'est qu'elle se lasserait si vite. Les Bouddhas, si beaux soient-ils, lui semblaient tous pareils. Heureusement, elle aimait plutôt les temples avec leurs couleurs chatoyantes. Et la cuisine était irréprochable. Malheureusement, leur guide, une jeune femme aux Français plus qu'approximatif, ne lui semblait vraiment pas à la hauteur, et déjà une fronde s'était organisée contre elle. En dehors du topo visiblement appris par cœur, il fallait bien admettre qu'il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Certes, elle était très jolie, avec ses longs cheveux noirs, son teint velouté, mais Monique Plantier la soupçonnait de s'ennuyer ferme, et de ne pas prendre sa mission à cœur. Elle avait dit dès le premier jour, comme pour s'excuser, que c'était la première fois qu'elle encadrait des Français, et on voyait tout de suite qu'elle n'était pas habituée à être bombardée de questions. Alors, pour se tirer d'affaire, elle se retranchait un peu trop facilement derrière ses lacunes linguistiques, ce que beaucoup dans le groupe commençaient à ne plus supporter. Heureusement, ce matin, un jeune homme avait pris le relais, mais uniquement pour la matinée. Certains avaient pu alors étancher leur curiosité, surtout que le guide avait répondu de bonne grâce. Elle-même était parvenue à sortir de son indifférence et avait été très intéressée par la description de la situation économique. Du coup, les hommes avaient été si captivés qu'ils avaient oublié de demander l'adresse d'un bon salon de massage, ce qui occupait jusqu'alors l'essentiel des conversations. Finalement, Monique Plantier devait bien reconnaître qu'elle avait passé une excellente matinée complétée par une épique balade en pousse-pousse. Elle s'était donc couchée, bien détendue, et pensait passer une bonne nuit. Contrairement à ses habitudes, elle s'endormit vite, mais à 3 heures du matin, elle fut réveillée avec une terrible angoisse au ventre. Une nouvelle fois, elle avait rêvé des enfants et en avait éprouvé une froide colère, comme s'ils ne pouvaient jamais la laisser tranquille bien longtemps. Elle jeta distraitement un regard par la fenêtre. Malgré l'heure tardive, il y avait encore beaucoup d'animation dans la rue. Visiblement, ce peuple ne s'arrêtait jamais. Elle se servit un verre d'eau minérale, mais celle-ci était chaude. Elle la but quand même. Elle sortit un livre qu'elle avait acheté à la va-vite à l'aéroport et qu'elle n'avait pas encore ouvert, mais il ne parvint pas à la distraire. Son esprit ne lui laissait aucun répit, comme s'il tentait désespérément de lui dire quelque chose. Pourquoi y pensait-elle si souvent? Sans doute parce que sa vie s'était comme arrêtée ce fameux jour. Elle se rappelait encore très bien comment elle avait appris la nouvelle. La voix paniquée de Nadine à l'autre bout du téléphone. Monique était accourue tout de suite. Nadine n'avait même pas pris le temps d'enlever son manteau. Elle avait enjambé le corps et s'était précipitée en haut. C'est elle, Monique, qui, restée en bas, avait appelé les secours. Nadine était restée avec les enfants jusqu'à ce que le corps soit retiré. La connaissant, Nadine avait dû les serrer dans ses bras pour essayer de les réconforter au maximum. Au moins, elle avait vraiment eu peur, car ses sentiments envers ses enfants ne souffraient aucune équivoque. Ensuite, Monique avait appelé Pierre. Elle avait lutté ferme pour garder son calme. Elle avait juste pu trouver la force de prononcer « Rentre tout de suite ». À aucun moment elle ne s'était approchée du cadavre. Tout ce dont elle se souvenait, c'était l'angle atroce du corps. Elle n'avait pas revu les enfants, mais Nadine avait fini par redescendre pour leur préparer un plateau. Monique, après leur tour de pierre, était rentrée chez elle. Le lendemain, un inspecteur était venu l'interroger chez elle, mais elle n'avait pas pu dire grand-chose. Elle avait surtout plaint les enfants, de tout son cœur, sans aucune retenue. Une fois de plus, elle s'était reproché sa réserve, son éloignement volontaire, bref, son absence d'amour à leur endroit. Pire, elle s'en voulait d'être incapable de les consoler, elle qui aurait tant aimé jouer la mamie gâteau. Elle aurait tant aimé partager aussi bien leur joie que leur peine. Puis, très vite ensuite, elle s'était sentie gênée, sans parvenir vraiment à dire pourquoi. Elle était déconcertée par l'attitude des enfants. Ils étaient si étrangement calmes, si indifférents, ils n'avaient même pas pleuré. Est-ce dès ce moment qu'étaient nées toutes les questions qu'elle ne cesserait de se poser par la suite? Pour commencer, Pourquoi donc refusait-elle si obstinément de croire à cette histoire de chute? Elle savait qu'elle avait remarqué quelque chose qui ne collait pas avec l'ensemble, mais elle ne parvenait pas à se souvenir de quoi il s'agissait. Quel détail insignifiant avait éveillé son intérêt? Pourquoi, dès cet instant, avait-elle cherché la faille? Elle ne pouvait pas uniquement se fonder sur des sentiments, des sensations. Il y avait eu un déclencheur. Puis il y avait eu cette terrible nuit. Elle se rappelait encore très clairement aujourd'hui s'être assise dans la cuisine devant sa grande tasse de thé jaune et s'être traitée de monstre. Que les enfants ne méritaient pas d'être traités comme elle le faisait. Que sans doute ils n'avaient rien à y voir et que c'était seulement un accident stupide. Seulement, elle avait beau faire, elle ne parvenait pas à se convaincre. Un peu comme aujourd'hui, elle repassait sans cesse le fil des événements dans sa tête. C'était trop étrange, et pas seulement parce que les enfants n'avaient pas manifesté de la peine. Elle avait appris depuis qu'ils avaient sagement joué dans leur chambre toute cette maudite journée et que rien n'avait été dérangé. Pour qui avait l'habitude de retourner la pièce sans dessus-dessous à la moindre occasion, la chose était pour le moins étonnante, surtout qu'ils étaient restés enfermés à l'intérieur toute la journée. Ensuite, il y avait le fait qu'ils n'avaient soi-disant rien mangé. Monique savait que c'était parfaitement faux, car deux jours avant, elle avait vu un paquet de petits beurres et des bonbons traîner sur le bureau de Loïc. Elle n'y avait guère porté d'attention car le paquet n'était pas ouvert. Quand elle s'en était souvenue, son malaise n'avait fait que croître, mais elle avait préféré ne pas en faire mention car elle savait que Pierre l'aurait très mal pris. Enfin, il y avait eu l'épisode du cahier. Quand elle avait revu les enfants, deux jours plus tard, on lui avait exhibé sous le nez le cahier de français de Loïc. Elle s'était forcée à s'extasier de concert, mais c'était surtout pour Nadine qui se sentait si coupable. Quant aux enfants, elle avait surpris un seul regard de Loïc à sa sœur qui l'avait mise très mal à l'aise. Son triomphe lui semblait tout à fait hors de saison. Sur l'instant, elle s'était efforcée de n'en tenir aucun compte, mais à présent... Monique rejeta le verre avec dégoût, puis, sans bien savoir pourquoi, elle repensa à Jean Cartrieux. Il fallait qu'elle le consulte à son retour, même si elle aurait bien du mal à trouver un prétexte. Toutes ses affaires étaient en ordre, et si elle lui révélait d'entrée ses interrogations, il y avait très peu de chances qu'il la reçoive. Pourtant, plus elle y pensait, plus elle était persuadée qu'il savait quelque chose et peut-être que si elle parlait hypocritement de prescription. Pour elle, il ne pouvait être question du moindre pardon, s'ils étaient en quoi que ce soit responsables dans la mort de la fille. Au moins avait-elle le numéro de Jean. Nadine le lui avait donné. Elle avait prétexté un futur repas qu'elle comptait organiser pour faire une surprise à Pierre. Maintenant, prise d'une impulsion subite, elle consulta à nouveau sa montre, mais elle la repoussa avec dégoût. Il était bien trop tôt. Toutefois, elle devrait se résoudre à le faire à un moment ou à un autre.